14 novembre 1914. Qui eût cru, quand je suis partie, que cela durait autant et qu'à mi-novembre ne parlerait pas seulement du retour, mais d'une durée dont on ne peut fixer la limite. Enfin, je ne saurais trop le répéter. Il faut accepter courageusement tous les sacrifices qui nous sont imposés et avoir une confiance certaine dans le résultat final. Depuis quelques jours, nous avons un temps épouvantable. Pluie, vent, bourrasque, froid. Mais il n'y a pas comme ce vent pour m'attrister. Oh, la nuit, lorsqu'on est seul, combien ce vent qui gémit et qui pleure vous tiraille le cœur. Ah, c'est tour à tour, criards, plaintifs et lugubres. Ah, comme ils fendent l'âme. Ils semblent apporter les plaintes de tous ceux qui, depuis cette malheureuse guerre, souffrent et pleurent, les lamentations de tous les cœurs en deuil. Ah, ce vent qui siffle ou hurle, comme on voudrait ne plus l'entendre. Et pourtant, si nous avions le cœur gai, il pourrait souffler ce vent et redoubler de rage. Que nous importerait-il? Paulette m'a envoyé des provisions et des gilets que je distribuais aux hommes. Je lui ai écrit, la remerciant beaucoup de ses gentillesses. Que de bien on pourrait faire ici à tous ces pauvres gars de laine qui, depuis le 25 août, sont sans nouvelles de tous les leurs et ne reçoivent par conséquent absolument rien. Peut-être pourrais-tu avoir quelques objets, soit des dames françaises, des religieuses et autres bonnes œuvres. Ce qui serait le plus utile, ce sont des paires de chaussettes de laine, chandails et ceintures de flanelle. Ne te fais pas de tourments excessifs pour moi. Je suis bien portant malgré toutes les fatigues et tous les sacrifices imposés, et j'en rends grâce à Dieu. Embrasse bien tendrement mes chers petits, dont je suis tant privée, et soigne-toi bien. Décembre 1914. Reçu ta carte du 27 novembre. Je comprends ton désir de venir me voir, et tu penses bien qu'au fond, j'en serais moi-même très heureux. Mais comme je te l'ai dit et redit, ceci est absolument impossible. Aucun civil ne peut traverser les lignes pour venir où je suis. Quant à aller à Verdun, ceci est également irréalisable. Le capitaine a été forcé de m'y envoyer pour ma tenue, mais il m'a bien dit « Il faut vous arranger à tout faire dans la même journée. » Partie à 6 heures du matin, je suis arrivée à 11h30. J'ai commandé ma tenue que je n'ai pas encore et que je ne serai même pas, et j'en suis repartie à 4 heures, chargée de commissions pour les uns et les autres. Le lendemain matin, changement de cantonnement. J'ai pris 1 heure pour faire ma cantine et me suis attirée des reproches du capitaine pour cette heure que pourtant j'étais bien forcée de prendre. Non, va, ne te leurre pas. Il n'y a pas à y songer, et mieux vaut n'en pas causer. Ceci attise trop les regrets de la séparation. Vous avez, vous, la joie de vivre tous ensemble. Tu as le bonheur, toi, de suivre le progrès des enfants. Profite donc de ce bonheur. Moi, je ne l'ai pas. Je suis seule, et ne m'appartient même pas 1 minute. Et si tu savais ce que cela est dur de ne pas avoir un instant bien à soi. Nous avons ici quantité de braves gens de laine qui, sans nouvelles de l'heure depuis 3 mois, sont toujours prêts à se démoraliser les uns et les autres. Il faut donc que je les remonte à tout instant, trouvant un motif d'espoir, une consolation pour chacun. Si j'ai l'air un peu sombre, aussitôt ils me disent « Eh bien, vous paraissez triste, les nouvelles sont donc mauvaises ?» J'ai toujours vécu beaucoup avec les hommes de ma section. Maintenant, le nombre en a augmenté, puisque j'ai à m'occuper d'un peloton et souvent de la compagnie, et c'est une tâche à laquelle je m'attache beaucoup, car je trouve que c'est le principal devoir du gradé, quel qu'il soit. Maintenir un bon moral n'est pas toujours chose facile, surtout avec la guerre que nous faisons ici. Cette vie de tranchée est absolument déprimante, et nous préférerions tous un combat en rase campagne à cette guerre de taupes. Je t'assure qu'il est malaisé de maintenir les sentiments nécessaires pour cet héroïsme sans éclat. Il faut être convaincu que le devoir est partout où l'on est appelé à le remplir, sans quoi l'on serait vite démoralisé soi-même. Embrasse bien mes chers enfants pour moi. Dis-leur combien papa les aime et pense à eux. Ma santé est excellente et pourtant nous avons un temps épouvantable. Décembre 1914. Reçu aujourd'hui ta lettre du 4. Tu me reproches de ne pas tout te dire. Je ne t'ai pourtant pas caché que depuis que nous sommes aux avant-postes, c'est-à-dire depuis le 6 octobre, nous sommes quelquefois très près des tranchées allemandes, quelquefois à 500 ou 600 mètres. Mais depuis un mois, à part les combats d'artillerie et quelques escarmouches, à droite surtout, nous sommes au calme. Et nous nous regardons, Français et Boches, comme des chiens de faïence, sans nous faire grand mal. C'est même tout à fait typique. Dernièrement, deux corvées françaises et allemandes se sont rencontrées à la même fontaine. Mais le plus fort, et qui paraît peu croyable, ce qui est pourtant authentique, deux officiers d'un régiment du Midi dont les tranchées étaient à 100 mètres des tranchées allemandes sont entrés en conversation avec des officiers allemands. Ceux-ci les ont invités à visiter leurs tranchées. Et toujours chevaleresque et confiant, nos deux méridionaux se sont rendus à cette invitation. Naturellement, lorsqu'ils ont voulu revenir, les Boches les ont retenus prisonniers. Nous serons donc toujours les mêmes. Messieurs les Anglais, tirez les premiers. Le mauvais temps, l'approche des fêtes et la privation de ne pouvoir jouir de la joie des enfants me donnent le cafard, et je ne suis pas le seul. Parfois, il me semble que toutes ces joies ne sont plus faites pour moi, ou si loin, si loin. Mais il faut chasser toutes ces idées, s'armer de confiance et demander à Dieu tout le courage qui nous est nécessaire. Embrasse bien tendrement ma bonne Madeleine et mon cher petit Jean. Il faut en être privé comme je le suis pour savoir ce qu'on les aime. Un gros soupir s'échappe de ma poitrine. Extrait d'une lettre non datée. J'ai appris par les journaux que les tranchées étaient très confortables lors du voyage que Briand et Sarraut ont fait de Verdun à Belfort. Ils ont dit que les tranchées révélaient un vrai souci du confortable. C'est à crever de rire d'écrire des âneries pareilles, et c'est vraiment se moquer du public. Qu'ils y viennent donc passer une nuit les pieds dans la flotte, sans feu et sous la pluie, pourront alors juger du confortable dont nous jouissons. Décembre 1914. J'ai reçu hier les deux lettres du nouvel an des enfants. Ai-je besoin de te dire qu'elles m'ont fendu le cœur et arraché des larmes? Quand nous trouverons-nous réunis? Quand les reverrai-je? Il me semble que la date en est si éloignée qu'il vaut mieux ne pas chercher à préciser. Je me fais l'effet d'un bateau qui va à la dérive au milieu d'une mer déchaînée. Tout espoir n'est pas perdu. Il faut atteindre la rive. Mais que d'écueil, à la grâce de Dieu. Comme je te l'ai dit hier, je suis aux avant-postes pour 4 jours. C'est là où je me sens le plus heureux. L'initiative, les responsabilités stimulent et chassent l'ennui qui en ce moment n'a que trop de prise. Je vais te raconter un petit tour que nous ont joué les Boches. Donc hier, étant dans les tranchées, j'aperçois à quelques centaines de mètres un cochon. Quelle aubaine! Parmi mes hommes, il y en avait un certain nombre qui voulaient aller le chercher. Mais flairant un piège, je leur en refusais la permission. La nuit passe sans encombre, ce matin, plus de cochon. À midi, celui-ci réapparaît, mais 100 mètres plus près. Nouveau désir pour l'aller chercher, nouveau refus. Bien m'en pris, car je distinguais que la terre paraissait fraîchement remuée à l'endroit du goret qui semblait circuler et faire le même trajet aller-retour. Ces dégoûtants de Boches avaient fait une tranchée pendant la nuit pour se rapprocher de nous et pour nous tenter davantage. À la jumelle, on distinguait leur jeu. D'un bout à l'autre de la tranchée, un fil de fer auquel était attaché l'animal lui permettait de faire l'aller-retour. La farce était trop grosse. Ces boches nous prennent pour des poires. Nous leur avons tué leur cochon pour leur prouver que nous ne tombions pas dans le panneau. Et nous espérons en faire autant de même d'ici peu. Ces Allemands sont excessivement forts dans l'art des tranchées. Et ils ont une patience pour y rester terrés que nous n'avons pas. Il est très difficile de les y voir, tandis que nous avons un mal infini à y maintenir nos hommes. Ils sont passés maîtres en cet art qui ne nous va guère. Néanmoins, nous nous y faisons beaucoup mieux que je ne l'aurais cru. Espérons que l'offensive générale va nettement se dessiner, et que Dieu secondant nos armes, nous aurons bientôt la joie de ne plus en compter sur la terre de France. Malheureusement, il fait un temps épouvantable, et ceci ne peut favoriser cette offensive. Ma lettre te parviendra après les fêtes du Nouvel An. Une fois passé, le courage reviendra de plus belle, et nous caresserons l'espoir d'être réunis à Pâques, tout en n'y croyant pas. Je joins à ma lettre quelques fleurs pour les enfants, fleurs que j'ai eu bien du mal à trouver. janvier 1915. Je redescends des avant-postes où j'ai passé la journée et la nuit et je m'empresse de t'écrire la longue lettre promise. Avant le départ, nous avons fait un bon petit dîner. Levés à minuit, nous avons mangé le poulet de Paulette, qui était excellent, de la purée de foie gras, conserve de fruits et champagne. Cela nous a donné des forces pour la suite. Parti dans la nuit du dimanche à lundi à 2 heures du matin de Chevert par une pluie torrentielle, nous sommes arrivés ici à 8h30 du matin. Ah mon Dieu, quelle marche! Je m'en souviendrai longtemps. Nuit noire, nous naviguions dans l'encre, vent glacial et de tempête, pluie diluvienne qui venait nous aveugler et nous cingler, et tous ces hommes marchant, abrutis, hébétés, têtes basses, dans le sillon de l'ombre noire de l'homme qui le précède, tels que des moutons qui vont à l'abattoir, les gradés faisant les chiens pour les faire serrer et pour empêcher qu'ils ne s'écartent de la colonne. Arrivés à 4 kilomètres des avant-postes, nous sommes obligés de quitter la route. Celle-ci est balayée par les obus. Les boches ont dû être prévenus de la relève et veulent nous gêner. Nous entrons alors dans la terre labourée. Et quelle terre ! Celle-ci est détrempée, labourée, et nous nous y enfonçons, tantôt jusqu'à mi-jambe, tantôt jusqu'aux genoux. La glaise adhère, et nous ne pouvons décoller nos souliers. Tantôt c'est un ruisseau, un bandeau qu'il nous faut traverser. Ah non, vraiment, je ne me rappelle pas avoir fait une marche aussi pénible. Ajoute à cela des fusées blanches, vertes, partant de droite et de gauche, de l'avant et de l'arrière pour nous signaler le bombardement. Les boches pour indiquer l'approche d'une troupe, tels les feux d'artifice le 14 juillet. Mais je t'assure que nous n'avions pas envie de crier « À la belle blanche, à la belle verte !» Arrivé à H, devant F, nous avons fait la relève. Les avant-postes se trouvent à 1500 mètres. Et quel cloaque pour y arriver! Là, malgré la pluie, nous nous installons en accrochant quelques toiles de tente sur les arbres, et nous attendons le jour tout trempé, tout grelottant, les pieds dans la boue jusqu'à mi-jambe. Vraiment, le moral de tous ces hommes est merveilleux. Chacun rouspète un peu par habitude et par tempérament. Mais une fois qu'il est en sentinelle et qu'il sait qu'une responsabilité lui incombe, aucun d'eux ne bouge et chacun a conscience du devoir qu'il remplit. Avant-hier et hier, tout s'est bien passé, mais tout à l'heure, durant le déjeuner, les boches nous ont bombardés de nouveau. Nous déjeunions avec le capitaine quand le premier obus est venu bombarder juste devant la chambre où nous mangions. C'est insensé. Autant les balles m'énervent et m'inquiètent, autant les obus me laissent froid. Aussitôt après l'éclatement, je bondis, sors et cours au cantonnement pour faire gagner aux hommes les abris de combat. Je rentre ensuite pour rendre compte au capitaine et je le trouve à plat ventre sur le plancher de la salle. Il était furieux après moi et me criait « Mais puisque nous recommandons aux hommes de se coucher, couchez-vous donc !» Quelle compréhension du devoir ! J'admets cette théorie quand on est avec ces hommes et qu'on les a sous la main. mais je ne l'admets nullement quand on ne sait pas exactement où ils sont et ce qui se passe. Résultat, 54 obus et personne d'atteint. Une maison endommagée, les carreaux de notre salle descendus, quelques cailloux, petits éclats d'obus et morceaux de vitre sur la table. Beaucoup de bruit pour ne rien faire. Mon Dieu, que cette guerre est bête! Et où sont les anciens combattants à la française? Résultat du progrès, tout cela. Enfin, remercions ces salboches du stimulant qu'ils nous donnent. Cela entretient les bavardages et chasse l'ennui. Après un petit intermède comme celui-là, les hommes sont beaucoup plus gais. Ils pensent à ce qu'ils viennent de passer et oublient le reste. Quelle belle insouciance! Surtout ne te tourmente pas plus que je ne le fais moi-même. Je suis en excellente santé et plus résistant que jamais. Je t'assure qu'il faut l'être et être bien aguerri. Si tu me voyais, tu me trouverais une mime superbe. Et certes, à me voir, l'on ne croirait pas que je suis au 6e mois de campagne. Ayons donc toute confiance et attendons avec courage le retour et le jour béni qui nous réunira. « 29 janvier 1915. Enfin voici la lettre que je te promets depuis 2 jours. J'ai été assez pris tous ces jours-ci, ayant été 3 fois en reconnaissance. Le commandant m'avait chargé de trouver un emplacement pour y placer un poste observateur, et par 2 fois je me suis payé la reconnaissance tout seul. L'on devient souple dans le métier, et armé d'une carabine, j'aurais voulu que tu me voies marchant à 4 pattes ou rampant sur le ventre, et profitant des obstacles même les plus petits. Ayant fini par trouver l'emplacement voulu, j'y suis retournée avant-hier avec un caporal et 2 hommes porteurs d'une pelle, d'une bêche et d'un pic, et c'est ainsi qu'à 300 mètres à peine d'ébauche, nous avons creusé un trou d'observateur. Pendant que les 2 hommes travaillaient couchés sur le ventre, le caporal et moi sommes restés en observation, couchés nous-mêmes dans un sillon. Je t'assure qu'il n'y faisait pas chaud. Nous étions littéralement gelés, et par moments il m'était impossible de tenir ma lorgnette. À ce moment, le caporal me remplaçait et je mettais les mains sous ma capote, sur la poitrine, pour me réchauffer. Néanmoins, j'avais dû prendre un peu froid car je me suis ressentie de mes rhumatismes, mais après une bonne nuit, je m'en trouve tout à fait débarrassée. Ne t'inquiète donc pas, je me porte à merveille. Jamais je n'aurais pensé pouvoir supporter aussi bien toutes les fatigues, toutes les privations et toutes les intempéries de la campagne. Comme privation, je n'entends pas privation de nourriture, car nous sommes parfaitement nourris. Il ne faut pas être très difficile. Et sous ce rapport, le service de l'intendance mérite tous les éloges. Et il n'en est pas de même, malheureusement, du service médical, qui est au-dessous de tout. Que de malheureux meurent ou souffrent, faute de soins ou par manque de soins immédiats. Nous nous attendions tous ces jours-ci à une attaque, supposant que les Boches feraient un effort pour offrir une victoire à leur empereur, en l'honneur de la Saint-Guillaume, qui était le 27. Mais par ici, cela a été relativement calme. Quand pourrais-je enfin reprendre ma place dans la maison? Il me semble que ce bon temps ne reviendra jamais. Notre vie ne tient en effet qu'à un fil, et il faut avoir confiance en notre bon maître pour garder le bon espoir. Ce soir après dîner, P avait un peu le cafard, et il me l'a passé. Heureusement, B était là. C'est un bout en train extraordinaire qui arrive toujours à vous dérider. Boum boum, madame, toujours content, jamais mourir. Ou bien il nous chante « J'avais juré de vivre sans amour, c'était un four », etc., etc. Le répertoire est très varié, mais il arrive quand même à atteindre son but, et c'est fort heureux, car avec paix nous sentons et nous pensons de même, et quoique bien heureux de nous comprendre, j'avoue que ceci ne vaudrait rien. B fait diversion, toujours gai, toujours jovial, et il nous force à écarter de notre esprit l'idée fixe qui revient trop souvent, les nôtres, les chers nôtres, nos bons petits, le foyer tant aimé, le retour tant désiré et si aléatoire. Enfin, gardons confiance. Dieu nous protégera et nous rendra l'un à l'autre afin de le mieux aimer et de le mieux servir. Avant-hier, en rentrant de reconnaissance, mes hommes ont donné une nouvelle preuve de leur sympathie. Des tranchées et du petit poste, ils me suivaient des yeux et ils m'ont dit « On se tenait prêt, mon adjudant, car nous ne vous aurions pas laissé là-haut. » Et un de mes sergents, avec lequel je m'entends également très bien, me fit des reproches et me dit « Mon petit, tu paies trop de ta personne. Tu devrais trouver un motif pour refuser. » Refuser ? Non, cela jamais. Ne pas courir au-devant du danger, oui, mais passer pour un lâche, je ne pourrais pas. Et je suis sûre que toi-même, tu ne le voudrais pas. Nous devons faire tout notre devoir. Et c'est en le remplissant le mieux et en nous conformant aux ordres reçus que nous attirons davantage la protection divine. Nous allons partir en réserve d'avant-poste pour quelques jours et prendre un peu de repos pour 8 jours, très probablement. Il m'est impossible de te donner des noms. Il y a des ordres très stricts et très sévères. Nos correspondances sont surveillées et nous sommes passibles de graves punitions. Extrait de la lettre du 14 février 1915. Ma lettre t'annonçant mon départ du 15e a dû bien te surprendre. Néanmoins, il fallait s'y attendre, et depuis longtemps je te le faisais pressentir. Ai-je besoin de te dire combien j'ai souffert de ce départ, moi qui m'étais tant attaché à tous? Du reste, cela m'était bien rendu par tous, comme tu pourras en juger par les adieux qui m'ont été faits. Jeudi matin, le lieutenant B réunit toute la compagnie pour les adieux. J'étais très émotionnée et j'étouffais. Ma gorge était si serrée que j'eus bien de la peine à répondre quelques mots aux adieux qui m'avaient été faits. Le lieutenant B n'avait pu causer et le fourrier, d'abord très crâne, avait dû se faire remplacer par un sergent. Dans bien des yeux, je voyais des larmes et dans tous, je sentais un bon regard d'attachement et de dévouement. Puis les 250 hommes de la compagnie passèrent devant moi et me serrèrent la main. C'était bien dur. Mais que de bons serments de main et que de sentiments se dégageaient de tous. L'après-midi, il me fallut aller à la place pour savoir où était le 362e. Le lieutenant B et W m'accompagnèrent et se firent photographier avec moi. À 9h, je quittais tout mon monde. Le commandant me fit conduire jusqu'aux premières lignes en voiture. Tous les sous-officiers me firent promettre de leur envoyer ma photographie. Quelques-uns d'entre eux me donnèrent un souvenir. Le lieutenant P, un calot tout neuf, d'autres un litre de Martel 3 étoiles, des cigares, des cigarettes. Enfin, tous s'ingéniaient à me faire plaisir, et je te dis tout cela pour te prouver combien chacun était gentil. P et F, le fourrier, un garçon plein de cœur, qui pleurait comme un enfant, m'accompagnèrent. Nous avons déjeuné à Verdun, puis en route pour les premières lignes. À 1 kilomètre de celle-ci, premier incident. L'avant-train de la voiture casse. Je reçois 3 coups de pied de cheval sans importance. J'allais à l'état-major de la division et fis mes adieux aux camarades. J'oubliais de te dire qu'avant de quitter Verdun, ils voulurent eux aussi se faire photographier avec moi. J'avais encore 10 kilomètres à faire à pied et dans un pays que je ne connaissais pas et à la nuit. Près des lignes ennemies, c'était charmant et rassurant, d'autant plus que nous nous battions ferme de ce côté. Je finis malgré tout par découvrir la ferme en plein champ où était établi le colonel. Celui-ci me reçut aimablement, me fit dîner avec lui et m'envoya coucher à la cave. Quelle nuit ! Je ne pus dormir, je me livrais à tous mes souvenirs et la passai à prier. Le lendemain matin, le colonel me fit conduire aux avant-postes à ma compagnie. Quelle différence avec le secteur que nous occupions ! Ici, nous sommes dans un bois rempli de fourrés impénétrables. Nos tranchées sont à 12 mètres des tranchées allemandes, et nous ne nous voyons pas. Nos sentinelles, nos postes d'écoute sont à 6 mètres dessus des boches. Ici, il ne faut pas songer dormir pendant les 4 jours que l'on occupe ce poste. Les hommes travaillent jour et nuit, à 4 pattes, dans l'eau, dans la boue. Ils sont admirables d'énergie et de courage, mais sont harassés, fourbus, transis de froid. Quant au gradé, c'est une tension d'esprit inouïe, et je comprends qu'on ne puisse rester là plus de 4 jours. Nous avons été relevés ce matin, et je me faisais effet des vaches bien crottées de Corrèze. Nous prenons le repos à la ferme dont il est question plus haut, et restons durant 4 jours à la cave, à cause du bombardement toujours à craindre. C'est de là que je t'écris à la lueur d'une bougie. Le régiment fait ce manège depuis 2 mois et ne pourra continuer longtemps. Les hommes sont à bout. Ne te tourmente pas. Pour ma part, je suis toujours plein de courage et de confiance. Notre bon maître nous fait acheter notre bonheur plus cher, mais combien nous l'apprécierons davantage. Le vague-mestre va partir. Je termine donc ma lettre plus tôt que je ne voudrais. À demain. Plus que jamais, unissons-nous par la prière. Thank you.